plus pour le match hasi. Le check se vide se remplit et la concu nous envie. La génération des blocs qui fait des snaps sans fil. J'suis pété.